Lettre 49e. Théophanie à Junien Marcella. Nicée, septembre 302. Je suis resté dans ma précédente lettre à notre arrivée en Bithynie. Je posais le pied sur le sol de la patrie avec un sentiment inexprimable de plaisir, de crainte, d'attente et d'espoir. Je croyais y trouver le plus haut point du bonheur sur cette terre, le plus entier dédommagement de toutes mes souffrances passées. Une union légitime avec le seul homme que j'ai jamais aimé. J'étais libre, aucun devoir ne me retenait. Je pouvais me livrer en toute innocence au penchant de mon cœur et nourrir cette séduisante idée qui était devenue pour moi une seconde nature. L'âge d'Héliodore et la sévérité de ses principes me retinrent de lui confier mes espérances. Il ne connaît pas l'amour ou il l'a oublié. Il ne voit dans ce sentiment qu'une espèce d'idolâtrie condamnable, contraire au but de notre perfection. Je respecte en lui ses principes. Ils partent d'un esprit élevé au-dessus des faiblesses humaines, qui place avant tout ses devoirs, et lui donne la force de renoncer à toutes les douceurs de la vie, et à la vie même, pour suivre sa belle et sainte vocation d'apôtre du christianisme. Je tiens donc renfermé dans mon sein, et ma joie et mon secret, résolu de n'en parler qu'à toi, ma Junia, dont l'indulgente amitié sait me comprendre, à toi qui as su remplir en même temps les saints devoirs d'épouse, de mère et de chrétienne. Mon projet était de me rendre d'abord à Nicomédie, où j'espérais trouver Agathoclès ou du moins de ses nouvelles. Nous prîmes des chevaux, et à force d'instances de ma part, un esclave. La qualité de chrétien et pour moi celle de veuve de Démétrius, mort dans la disgrâce de la cour, nous exposant à quelques dangers. J'avais changé de nom par l'avis d'Héliodore. Il m'avait présenté chez son frère sous celui de Théophanie, qui est vraiment le nom chrétien que je reçus au baptême. Je passais en voyage pour sa fille, veuve d'un négociant de Byzance. Oh, quel tableau ravissant mon imagination me peignait! Que d'idées flatteuses, que de souvenirs délicieux à mesure que j'approchais du séjour de mon heureuse enfance, de cette ville où j'appris à aimer Agathoclès en commençant à vivre. Je savais que la villa de Saint-Iome lui appartenait et qu'elle était située sur la route de la Chalcédoine à Nicomédie. L'idée qu'il y serait peut-être s'empara de moi. Je crus déjà le rencontrer, triste et sombre dans ses promenades solitaires, occupé de sa Larissa, perdue à jamais pour lui. Je le voyais reculer de surprise, ne pouvant en croire ses yeux, puis s'avancer avec transport, et moi, le presser sur mon cœur en lui disant « Oui, c'est moi, c'est ton ami, ta Larissa, pour jamais ta Larissa. » Ce tableau me fit trembler de joie et d'émotion. Ce fut ainsi que nous approchâmes de la colline boisée qui cache la villa. Je ne risquais pas de confier mon projet à Héliodore. Je prétextais une grande lassitude, et je le priais de passer la nuit dans le village voisin, puisqu'elle commençait à paraître. Il y consentit. Nous continuâmes lentement notre marche, et déjà je voyais le toit de la maison ombragé par un groupe de pins. Une partie du jardin s'étend jusque près de la route, et se termine par une grande porte grillée qui a vue sur le chemin et par où l'on arrive. Combien de fois mon cœur avait battu de joie lorsque la mère d'Agathoclès me menait avec elle à Saint-Iome et que je voyais de loin mon jeune ami accourir à notre rencontre jusqu'à cette porte. Hélas, il n'y était plus. Au lieu de lui, je vis deux femmes se promener dans ce jardin, vêtues simplement, mais avec une élégance qui attestait leur haute naissance. La porte de la grille était ouverte. Elles sortirent du jardin attirées par le bruit de nos chevaux. Je les vis alors de plus près. Toutes les deux sont extrêmement belles, dans des genres différents. Celle qui paraissait la plus âgée a une taille haute et déliée, des cheveux et des yeux très noirs, les traits les plus réguliers, la physionomie la plus intéressante, et sa maigreur, sa pâleur, une impression de tristesse marquée dans tous ses traits, redouble cet intérêt. Elle est sûrement malade ou malheureuse, et peut-être tous les deux. Sa compagne, brillante de tout l'éclat de la jeunesse, de la gaieté et de la santé, me plut beaucoup moins, quoique infiniment plus frappante de beauté. Cette apparition me surprit. Un sentiment pénible vint s'emparer de moi. Ces femmes avaient l'air d'être chez elles. Agathoclès aurait-il vendu sa villa? Je ne pouvais le croire. C'est un don de sa mère auquel il attachait beaucoup de prix. Demeurait-il avec ses femmes ? Une idée cruelle, affreuse, traversa mon cœur. Je la repoussai, mais je n'étais pas sans inquiétude. Ces dames, nous ayant aperçus, nous saluèrent avec politesse. J'envoyai mon esclave pour apprendre d'elle à qui appartenait cette campagne, et si nous pouvions être reçus pour une nuit au village. L'esclave revint bientôt, et il me dit que la villa appartenait à un tribun de l'empereur, que nous ne trouverions aucun logement commode au village, mais que si nous voulions faire le plaisir à ces dames de nous reposer chez elles, elles s'empresseraient de nous donner l'hospitalité. Le désir d'apprendre ce que je voulais savoir me décida d'accepter cette invitation obligeante, malgré maintes oppositions d'Héliodore à qui ces femmes déplaisaient par leur élégance et par le luxe dont elles paraissaient être entourées. Ma malheureuse opiniâtreté l'emporta. Que devais-je apprendre ? Et combien je fus puni de ma fausseté avec Héliodore et de ma résistance à ses volontés. Nous descendîmes de nos montures. Les dames nous reçurent avec amitié. On s'informa du but de notre voyage et avec beaucoup d'adresse de notre situation. Nous racontâmes ce dont nous étions convenus. Mon mari était mort à Byzance et je retournai à Nicomédie avec mon père. Notre véritable histoire aurait paru bien plus extraordinaire que ce simple récit. Ce fut en causant ainsi que nous arrivâmes dans le jardin. Une multitude de souvenirs me suivait partout. À chaque pas, je croyais voir sortir d'un buisson cette image chérie. Elle voltigeait sans cesse devant mes yeux. Nous nous assîmes sur un banc. Les nouvelles du jour devinrent le sujet de notre conversation. On parla de la guerre, de la dernière victoire emportée par Galerius et des espérances du prince Tiridate, dont les prétentions au trône d'Arménie était soutenu par la cour. Héliodore prit une vive part à ces nouvelles. L'entretien devint très animé. La jeune et belle personne souriait à son amie, et l'expression de la physionomie de celle-ci, une légère rougeur qui paraissait sur ses joues lorsqu'on nommait Tiridate, me firent présumer qu'elle prenait un vif intérêt à son sort. Bientôt après, j'entendis, non sans surprise, prononcer le nom de cette femme. C'était cette Sulpicie, cette Romaine, dont l'amour malheureux pour Tiridate m'avait été raconté par Agathoclès. Je ne pouvais comprendre comment elle était arrivée en Asie et à Saint-Iom. Héliodore ayant quelques arrangements à prendre pour notre voyage, ou quelques dévotions particulières à accomplir, nous quitta. La plus jeune se leva et dit qu'elle voulait l'accompagner pour lui montrer notre logement. Elle était déjà à demi sortie lorsque son ami lui cria « Reviens bientôt, Calpurnie. » Calpurnie ? Ce nom fatal me frappa comme un coup de foudre. Mon sang cessa de circuler. Je fus incapable de faire un seul mouvement, de prononcer une seule parole. Ce ne fut que lorsque cet objet si redouté fut tout à fait éloigné que je revins de mon étourdissement. Ainsi, Calpurnie est ici, chez Agathoclès. Elle y fait les honneurs de sa villa. Le souvenir de ce que j'avais appris de toi, que son père devait être nommé proconsul et se rendre à Nicomédie avec elle, me revint comme un songe. « Mais pourquoi, vit-elle ici, à quel titre? Est-ce sous celui de maîtresse de la maison? A-t-elle épousé le propriétaire? Tu me disais aussi, ce me semble, qu'elle lui était promise. Ah, Dieu, comment cette lettre s'est-elle effacée de ma mémoire? Comment, par qui as-tu été si bien informé? » Je cherchais à me rappeler chaque phrase, chaque mot. Mon esprit confus pouvait à peine lier une idée. Ce que j'éprouvais ne peut être comparé qu'aux angoisses de la mort. Voilà donc la raison pourquoi il ne s'est point informé de mon sort, pourquoi il n'a pas fait la plus légère tentative pour me chercher et me secourir. Sulpicie était restée avec moi. Le soleil commençait à se cacher derrière l'horizon. Ses derniers rayons, perçant à travers le feuillage, répandaient une couleur dorée sur tous les environs. Je restais assise, perdue dans mes tristes pensées, n'écoutant qu'à demi ce que Sulpicie me disait sur la beauté de la soirée, et ne pouvant prendre sur moi de parler. Après un instant de silence, elle posa sa main sur mon bras et me dit avec une bonté parfaite « Tu parais souffrir, Théophanie. Je crains que tu ne sois pas heureuse. » Je relevai la tête, je la regardais, et je trouvais dans ses yeux tant de compassion et de sensibilité que je ne pus retenir mes larmes. Elles coulèrent malgré moi. « Ah ! » lui dis-je, Il est vrai, j'ai tout perdu, tout, ajoutai-je en tremblant, entraîné par mon sentiment douloureux. Pauvre femme, pauvre Théophanie, ah, je le crois, dit-elle en pensant à mon veuvage. Les pertes comme celles que tu as éprouvées ne s'oublient jamais. Tu aimais ton époux, et il le méritait sans doute. Je fus soulagé par cette tournure, et je donnai un libre cours à mes larmes. Sulpice le comprit, et elle me consolait avec des accents si doux, ou plutôt, elle partageait mon affliction. Elle sentait, dit-elle, que la perte d'un objet aimé est le premier des malheurs. Pauvre Sulpice, pensais-je dire à mon tour, elle sait aussi ce que c'est qu'un cœur déchiré. Je trouvai du soulagement dans mes larmes et dans sa tendre pitié, et je commençai à me calmer lorsque Calpurnie revint en courant et en chantant. Il faut convenir cependant que malgré son apparente légèreté, son cœur est aussi sensible. Elle exhorta son ami à ménager sa santé et à rentrer dans la maison avant l'air du soir. Le soleil était tout à fait couché, nous nous levâmes donc. En marchant, j'eus le loisir d'observer cette figure enchanteresse. Elle me paraissait encore plus belle, plus séduisante, depuis que je savais son nom. Chacun de ses mouvements est rempli de grâce. Tous les détails de sa personne sont parfaits. Sa voix est mélodieuse, ses paroles entraînantes. Ses regards annoncent la victoire qu'ils ont l'habitude de remporter. Lorsque nous fûmes entrés dans un salon au plein pied, que je reconnus d'abord, elle me prit gaiement la main, et la passant sous mon bras, elle m'entraîna pour me montrer ma chambre à coucher. Elle est charmante, cette chambre. Réunissant toutes les commodités possibles, sans avoir l'apparence du luxe, elle a la vue sur la partie la plus sauvage du jardin. Un grand miroir d'acier poli était au trumeau, et répéta nos deux figures. Je vis avec effroi l'extrême différence entre nous deux. Calpurnie, jeune, fraîche, comme une rose, avec des yeux si brillants, de beaux cheveux bruns, arrangé avec art autour de son front, un teint plus blanc que l'albâtre, relevé par une teinte animée et délicate, ayant l'embonpoint de la santé, belle enfin de la tête aux pieds dans toute la force du mot. La jalousie la plus active ne pourrait pas lui découvrir un défaut, et à côté d'elle, la pauvre Larissa, non plus Larissa, Théophanie, passée, flétrie, consumée par le chagrin dévorant, allée par l'air, le soleil et la fatigue, les yeux éteints par les larmes et une profonde cicatrice sur une joue. Oh, Junia, la vanité la plus extravagante ou l'illusion la plus folle pourrait seule se laisser aller à la comparaison. Je reconnus avec douleur combien je lui étais inférieur et ce que je perdais. Elle sortira pour me laisser reposer, me dit-elle. Elle voyait mes yeux combien ma tête en avait besoin. Elle ne savait pas qu'elle seule. « Le repos, dit-elle, me soulagera. »« Ah oui, le repos du tombeau. Après qu'elle m'enlève tout ce qui donnait du prix à ma vie, voilà le seul repos qui peut me soulager. » Je pleurais sans discontinuer. Je me jetais à genoux. Je m'humiliais devant le Dieu qui châtie ceux qu'il aime. Je le priais de me donner des forces, et je me sentis beaucoup mieux. Une esclave vint me demander si j'avais besoin de quelque chose. Je lui dis de me conduire auprès de sa maîtresse. Cette fille me mena dans le salon, agréablement éclairé par plusieurs urnes d'albâtre. Sulpice était couchée sur des carreaux. Calpurnie, assise vis-à-vis d'elle, tenait en main une lyre d'ivoire, avec laquelle elle s'accompagnait. Elle cessa à mon approche. Je la priai de continuer. Elle pinça de ses doigts, blancs comme la neige, les cordes dorées, et chanta avec une grâce inimitable un air assez gai. Je me rappelais différents moments de ma vie, où j'avais aussi chanté et pincé la lyre à Nicomédie, quand mon cœur s'éveilla au premier sentiment, plus tard à Aïdès, et toujours en présence de celui que je ne devais plus revoir. À Aïdès, à Nisibis, mon chant réjouissait les deux guerriers fatigués. Démétrius m'encourageait par ses éloges, notre ami par son regard, et à présent. Mais il faut en convenir, Calpurnie encore m'est aussi supérieur en talent qu'en beauté. Je ne sais pas chanter comme elle, avec cette expression, cette volupté. Je n'ai pas ces bras arrondis, d'une blancheur éclatante, qui enchantent les yeux, en même temps que sa voix douce et mélodieuse, ainsi que celle des sirènes, charme l'oreille et le cœur. Chaque regard que je jetais sur elle étaient des pointes acérées qui s'enfonçaient dans mon cœur. Mais j'étais appelé à une épreuve plus sensible. Je devais boire la coupe jusqu'à la lie et perdre jusqu'à la moindre lueur d'espoir. Quelques dessins se trouvaient sur une table, je les regardais, plutôt pour cacher mon trouble que par curiosité. La plupart étaient merveilleusement exécutés, et le nom de Calpurny, ce nom qui me poursuivait partout, écrit au bas, m'apprit avec quelle perfection elle possédait aussi le talent de la peinture. Il ne m'en restait plus qu'un seul à admirer, mais ô Dieu, quel objet frappa ma vue! La ressemblance parfaite d'Agathoclès, parée de son armure, entourée de nymphes charmantes qui l'enlaçaient de fleurs, et Calpurny elle-même, dans un costume guerrier, qui posait une couronne sur sa tête. Agathoclès, avec l'expression du sentiment le plus tendre, tenait une des mains de Calpurny et semblait la presser. Tu juges comme je tremblais. Un nuage couvrait mes yeux. Je tenais cette cruelle preuve de mon malheur sans savoir ce que je faisais. Je n'y voyais que lui. C'étaient tous ses traits embellis par l'amour, sa taille et sa noble attitude, rendus avec autant de vérité que de vie. Mon âme se perdait dans cette contemplation. La voix de Calpurny me réveilla. Elle me demanda si ce dessin me plaisait. « Beaucoup, » répondis-je, et dans ma confusion j'ajoutai, « Les ressemblances sont parfaites. »« Comment ? » dit-elle avec vivacité, « Les ressemblances. Connaîtrais-tu le tribun ?» Et elle s'élança à côté de moi et passa tendrement un bras autour de mon cou, comme si cette connaissance augmentait l'intérêt que je lui inspirais. Ah, combien le sentiment qu'ils ont l'un pour l'autre doit être vif! Il était trop tard pour réparer mon imprudence. Il fallut la colorer avec adresse. « Si je ne me trompe pas, repris-je, ce guerrier que tu couronnes est Agathoclès, le fils d'Égésippus. Oui, c'est lui-même. D'où le connais-tu? Je me ressouviens de l'avoir vu autrefois à Nicomédie, passer dans la rue avec son père. Sa figure est très remarquable. Et je trouve ce portrait fort ressemblant. Mais je voudrais en savoir la signification. » Elle m'apprit alors qu'Agathoclès s'était extrêmement distingué dans la dernière victoire remportée sur les Perses, qu'il avait été nommé tribun sur le champ de bataille et choisi par Galerius pour apporter à Dioclétien cette heureuse nouvelle, et que son père l'ayant invité, elle lui avait donné la fête dont ce tableau rendait le dénouement. Elle sortit d'un portefeuille une autre esquisse, pas encore achevée, où il était représenté à cheval, dans une rue de Nicomédie, suivi de tout un peuple qui se livrait à la joie. Sur la terrasse d'une maison était encore Calpurny, et les yeux du guerrier étaient fixés sur elle en la saluant avec son épée. Il me parut encore plus beau et plus ressemblant que dans la scène du couronnement, et je ne pouvais en détacher mes regards. Sulpice souriait avec finesse, pendant que son ami me racontait ces détails. « Ce n'est point un miracle, dit-elle, que Calpurny ait peint Agathoclès aussi ressemblant. L'imagination est remplie de son objet, et l'amour conduit le pinceau. » Un petit badinage entre les deux amis fut la suite de ces paroles. Calpurny se défendit faiblement, et j'étais présente, et je fus interpellée par la douce Sulpicie pour y prendre part. « Combien, Théophanie, me dit-elle, qu'ils sont formés l'un pour l'autre. Ah, ce moment fut le plus cruel de ma vie. » J'appris cependant dans cet entretien que Calpurny n'est pas encore sa femme, mais son amante, et sans doute sa future, que leur liaison avait commencé à Rome et s'est renouée à Nicomédie, qu'il était à présent à l'armée, mais que la paix allait se faire et qu'on attendait impatiemment son retour. J'en avais assez appris. Je m'en fus dans ma chambre dès que je le pus. Le sommeil ne vint soulager ni mes yeux ni mon cœur. J'avais obtenu ce que j'avais tant désiré. J'étais sorti d'esclavage. J'étais dans ma patrie et chez Agathoclès, mais comment? Dans quelle situation? Mes idées, mes douleurs, mes projets se succédaient dans mon âme avec un trouble extrême. Tous mes plans étaient anéantis. Il fallait en former de nouveaux. Enfin, après un violent combat, il m'en vint un à l'esprit. Je le formais avec une parfaite connaissance de moi-même, comme le seul raisonnable dans ma situation. Je vais te le communiquer, dans la persuasion que tu l'approuveras. Je ne devais plus penser à une réunion avec celui que je ne veux plus nommer, et qui sera bientôt l'époux d'une autre femme. Il est mort pour moi, je veux l'être aussi pour lui. Le sort a détruit mon existence. Il m'a privé de mon rang, de mon époux, de ma fortune, de toutes mes espérances. Mon nom et ma vie même ont cessé. Larissa est ensevelie sous les ruines de Trachène. Elle est oubliée. Elle a vécu. Et Théophanie est une toute autre personne. C'est une pauvre chrétienne, abandonnée, isolée, étrangère au monde entier, inconnue à celui qui put l'oublier si promptement. Elle n'est point née à Nicomédie, c'est à Saint-Iom qu'elle vient de naître. Elle n'a plus rien à faire, plus rien à chercher dans la patrie de Larissa. Le peu de joyaux que cette défunte Larissa sauva procureront à Théophanie une vie indépendante. Elle peut renoncer à toutes les habitudes du luxe. La fille adoptive du brave Tritiguer n'en connaît pas les douceurs. Elle part avec Héliodore pour Nicée. Elle vivra au sein d'une famille chrétienne et vertueuse, ignorée de tout le monde. Peut-être retournera-t-elle chez ses amis les sauvages. Leur cœur non corrompu ne l'aura pas oublié dans l'espace de quelques mois. Ce plan fut arrêté fortement dans ma pensée. Je me levai dès que j'aperçus le jour et je me rendis dans les jardins encore humides de rosée. Je parcourus librement tous ces lieux que je connaissais si bien et dont chacun réveillait un doux souvenir dans mon cœur abattu. Je cherchais à me rappeler mon heureuse enfance et les images enchanteresses du passé. C'était sur cette terrasse où je m'amusais à courir avec mes frères et le doux compagnon de mes jeux. Là, sous cet ombrage de pin, j'avais senti les premières sensations qui m'avertirent que je sortais de l'enfance. Là, nous nous étions jurés à un amour éternel. Les palmiers plantés sur cette colline avaient été témoins des sages et tendres leçons de sa mère, qui nous recommandait si fortement de rester vertueux et fidèles, qui nous élevait l'un pour l'autre, et bénit 100 fois notre future union en serrant nos mains réunies dans les siennes. Ce fut avec un sentiment à la fois amer et doux, et presque religieux, que je parcourus ces lieux témoins de mon bonheur passé. En me rapprochant de la maison, je vis Héliodore qui venait à moi. Il m'avait cherché pour continuer notre voyage. Il n'était pas à son aise dans cette maison païenne, opulente, et près de la légère et brillante Calpurnie. Ah, j'y souffrais bien plus encore. Je lui dis que j'étais prête à le suivre, mais que je le priais de changer notre plan, n'étant plus dans l'intention d'aller à Nicomédie, que je savais qu'il ne m'y accompagnait que par complaisance, et que je renonçais sans peine à m'y rendre. « Et où veux-tu donc aller ?»« Théophanie, » me demanda-t-il. « Là où tu vas, à Nicée, sur les bords du Borysthène. » Il me fixa avec étonnement, comme voulant me pénétrer. « Et que veux-tu faire à Nicée ?» me dit-il. « Tu y es tout à fait étrangère. » « Je le suis partout, » répondis-je. « Tu sais que je n'ai nulle part des parents. Ah, si tu voulais me procurer un domicile dans la maison de ton frère, tu acquerrais des droits éternels à la reconnaissance d'une femme abandonnée et malheureuse. » Il ne parut pas mécontent de mon projet. Il me promit de faire pour cela tout ce qui dépendrait de lui. Je vis clairement que ce plan lui faisait plaisir et qu'il ne voulait pas pénétrer plus avant dans mes motifs. Je sentis de mon côté que je ne pourrais pas résister longtemps à son regard scrutateur et que je serais entraîné à lui découvrir le trouble de mon âme et à chercher dans son zèle ardent et religieux les seuls moyens de me calmer. Je me soumis à tout ce qu'il exigea, content de m'éloigner le plus tôt possible de ces lieux et de Nicomédie. Nous rentrâmes et nous prîmes congé. Nos hôtesses parurent fâchées de notre prompt départ. Sulpicie surtout me témoigna un intérêt bien prononcé. Je vis que nos cœurs s'entendaient, et que dans ce peu d'instants une douce sympathie les avait liés à jamais, et ce sentiment me fit du bien. Elle m'embrassa plusieurs fois, les larmes aux yeux, et me fit promettre de lui écrire. Ce fut ainsi que nous nous séparâmes, et qu'après 2 jours de marche, nous arrivâmes à Nicée. Les parents d'Héliodore me reçurent, à sa recommandation, avec beaucoup de bonté et d'amitié. Je vis avec eux, je suis triste mais calme, et contente d'être cachée dans une maison paisible de gens vertueux, de chrétiens zélés, où rien ne me parle de ce que je dois oublier. Adieu, ma Junia.